Shabadabada. J'adore commencer une émission par Shabadabada. C'est Pyongyang City Rockers numéro 350. T'as vu? J'ai vu. On est qu'à deux ce soir. Il y a Célia, puis il y a moi, Stéphane. Pendant qu'il y en a qui ont leur cul dans un jacuzzi. Ouais, c'est quand même très fort. mais on dira pas qui c'est. On va pas les dénoncer à la commande en tour. Moi, j'ai plein de trucs à passer ce soir. Des nouveautés, des vieux trucs, et puis des entre les deux. Donc bien, hein, voilà. Puis du baratin aussi, c'est marrant. Et puis toi aussi, t'en as, donc c'est bien. Un petit peu. On commence avec quoi? Bah, conflict. Parce qu'il y a encore un truc qui va pas avec mon micro, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. On va commencer avec conflict. Conflict, et puis bah, je vous dirai de quoi il s'agit après. Les voici. Bah voilà, Conflict, c'était en 1986, le premier titre c'était Ungovernable Farce, et puis le deuxième c'est Peace in the Ocean, qui comme les meilleures oreilles auront pu le remarquer, semble causer des Sex Pistols, et en plus de ça, pas en mal. Alors que on aurait pu se dire qu'avec des anarcho-punks, non, ils disent que quand même c'était bien pour faire prendre conscience au genre de pas mal de trucs, leur mettre un esprit de révolte dans la tête. Après ça, c'est devenu une mode, donc là, c'est plus tout à fait ça. Bon bref, nous aussi on a la mode, hein? Bah ouais, carrément. Bon. Moi, je vais vous parler d'un nouveau podcast qui est sorti récemment, qui s'appelle Incendiaire. D'ailleurs, le générique, c'est la musique du groupe Utopie, qui s'appelle Incendiaire aussi. D'accord. C'est un podcast où il y a environ une heure d'interview d'une personne d'un groupe. Il y a déjà deux premiers épisodes qui sont sortis. Le premier, c'est sur Syndrome 81, et le deuxième, c'est sur sport. J'ai pas forcément toutes les références dont ils parlent, mais franchement, c'est assez intéressant à écouter. Et donc, se trouve où ? Ça se trouve sur toutes les plateformes où on peut écouter des podcasts. Ouais. Donc, ça s'appelle comment ? Vas-y, répète. Ça s'appelle Incendiaire. Au pluriel ou singulier ? Au pluriel. D'accord, c'est curieux. Et c'est fait par quelqu'un de connu ou quoi ? Moi, je le connais pas. Du coup, j'ai pas retenu son nom, mais il le dit, son nom. C'est un mec qui était dans la scène il y a longtemps, qui en est un peu sorti et qu'en fait, qui revient à ça et qui ouais. est un journaliste. Il y en a plein des comme ça, c'est bien. C'est ça, donc voilà. Et donc, j'ai décidé de passer un morceau de sport. Eh bien, vous avez raison. Qui vient de leur premier LP qui s'appelle Colors. Et d'ailleurs, sur ce LP, tous les titres de leurs chansons, c'est des noms de JO, enfin de villes de JO avec l'année. Oh là là. Ouais. T'es d'actualité là. C'est ça. Donc, je vais passer le morceau Saint-Louis 1904. C'est ça. Commencer une émission. Ouais. Hein, bon, je vais passer un peu plus de brutal. Mais d'abord, je balance quelques dates de concert, à commencer par demain, jeudi 15 août. Il y a plusieurs trucs à signaler. Premièrement, Jenny Wu and the Choices seront avec Midnight Tattoo au bout de nos rêves à tourner. Sinon, à Béthune, au Nautilus, il y aura Diamond Road Die et Dead Rats, donc ça sera plutôt punk rock. Vendredi, il y aura Lifeless Past Flux et plusieurs DJ, dont Bowie et Juju, au Pitz, voilà, à Courtrai. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah oui, mais c'est vrai ! j'allais oublier. Bah, quand même. Lundi soir à 21h, à partir de 21h et jusque vers minuit. Il y aura concert à Radio Campus, donc ici même, dans le studio et dans le hall de Radio Campus. Mais c'est nous qui le présentons d'ailleurs. Il y aura Matraque Attack et Chlore. Ça risque d'être un petit peu plus bruyant donc, que ce que je vous ai passé juste avant. Donc ça sera lundi. Hein. C'est un live campus, mais c'est pas un vendredi, c'est lundi prochain, 19 août, à partir de 21h et jusque minuit environ. Enfin, ça dépend si on est mort ou pas avant. Et puis, ou alors ivre mort, on sait pas. Et puis mardi 20 août, il y aura au bout de nos rêves, il y aura du Gloomy Power Violence avec Trading Hands, du Punk Hardcore Violence avec False, du Power Violence avec Marteau et du Grinding Violence avec Teigne. Youpi! Sinon, n'oubliez pas que mardi prochain aussi, mais un peu plus loin, à Gand, au China Strat, il y aura Poison Rain et Var. J'espère que je l'ai bien dit pour une fois. Je crois. Et puis je finis avec mercredi à Courtrai au Pit sur Horror Vacui du Dark Death Punk. Je crois que c'est des Italiens et Italiennes. Et avec On Rust du Tantric Techno for the Restless. Va savoir ce que c'est que cette bête. ça sera au Pits mercredi 21 août. Et puis j'en ai oublié, hein, c'est ce qui va se passer demain soir à la Bratkev à Lille. Il y aura Layback du hardcore qui disent UK late 80s. Moi je trouve que c'est plus moderne comme hardcore, mais bon voilà quoi. Par contre c'est très bien, vous allez pouvoir l'entendre juste après. Et puis il y aura aussi Silica, S-I-L-I-C-A, aussi un groupe anglais de Londres qui font du post-hardcore. Il y aura aussi les Arajois de Drops, ça c'est du très bon hardcore comme il faut. Et puis False, les copains qui seront là. Donc ça sera à la Bratkev 113 rue Barthélémy de l'Épaule à partir de 18h30. En tout cas, le rendez-vous, l'ouverture des portes, c'est 18h30. Ça devrait commencer un petit poil après. Et ça sera 9€ l'entrée, cash only, comme on dit, dans les meilleures turnes, dont la Bratkev. Et puis c'est organisé par Brix, que nous saluons au passage. Eh bien, voici donc un titre de Layback et un titre de Silica. Layback vont interpréter Implosion. Et Silica, ensuite, ça sera Falling Back to Earth. Et puis vous avez rendez-vous demain à la Bratkev pour les entendre en live. We'll be right back. Ouais, voilà, c'était premièrement Layback avec Implosion, suivi de Silica avec Falling Back to Earth. Vous pourrez les voir et les entendre en live ce jeudi 15 août à la Bradkev, rue Barthélemy de l'Épaule à Lille, à partir de 18h30, ouverture des portes, 9€ cash only. Poète, ils seront en compagnie de Drops et False. Je sais pas si je l'ai dit. Si, ouais, tu l'as dit. Et d'ailleurs, voilà. Vous pouvez retrouver toutes les infos concerts sur le super site jpung.org. Heureusement que là, parce que sinon j'aurais encore oublié de le dire. Voilà. Et puis bah maintenant, puisqu'on en est aux annonces de concert, voilà un petit coup de Matraque Attaque en attendant de les voir ici en prestation live en compagnie de Chlore lundi prochain, 19 août. Ici Radio Campus et aussi sur le 106,6 et aussi sur le DAB+ et aussi sur le campuslille.com, tout le bordel. Voici Matraque Attaque avec Riappropriamoci. Réapproprions-nous, mais se réapproprier quoi, va-t-on savoir? Bah tout, en fait on veut tout, mais sinon quand même on pourra demander de quoi que ça cause à la dame, hein, quand elle sera là, parce qu'on va faire aussi des interviews, ça va être bien. Et donc ça sera lundi prochain. Pour l'instant voici Matraque Attaque, que voici. Ouais, bonjour. Bonjour. On cause en antenne, hein, je suis désolé, hein, mais voilà, c'est Pyongyang City Rockers, numéro 350 déjà, il est 20h21, minutes, juste maintenant. Mais non, en plus je suis fatigué, quoi. il fait trop chaud, moi aussi, il fait plus de 15 degrés, ça va pas. Allez, du coup tu vas passer un truc. Ouais, je vais passer le groupe Vice-Prez. Alors on dit Vice-Prez et pas Vice-Prez. Bah comment? moi je disais Vice-Prez aussi. Parce que... apparemment, ben, on l'entend dans le podcast incendiaire, parce que il y a 3 gars de sport dans Vice-Prez. Et ouais, c'est faut compliqué. Suivre, hein. Bon, en même temps, dans toutes les villes, il y a un peu des groupes qui font d'autres groupes. Et ouais, c'est curieux, c'est toujours un peu les mêmes bandes qui font plein de trucs. C'est ça. On a ça aussi à Lille. Et en fait, du coup, le nom vient du jeu qui s'appelle Président, un jeu de cartes. Alors, ouais. Faut connaître, mais il y a un moment, on dit Prez et Vice-Prez. Je connais le puant, je sais pas, non? Le kilo de bras. Ouais, ben c'est un. Le bon boule à kéké aussi. Vous connaissez, non? Ben voilà. Et donc, Vice-Prez, c'est un groupe avec un son plutôt punk 80. C'est un collectif de 7 personnes, dont des gens qui sont en France, en Italie et en Allemagne. C'est pas nouveau, on en a déjà entendu ici. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. D'ailleurs, Mika les sort sur son label Don't Trust the Hype. Ouais, c'est pour ça en fait qu'on connaît. Bah ouais. ils ont déjà sorti deux LP et là je vais passer le morceau Through My Window de Vice Prez. Change d'avis avec une vitesse, c'est déconcertant. Pourquoi ? Bah pour présenter Jean Mignon. Alors Jean Mignon, c'était, me semble-t-il, un compositeur baroque français du 17e siècle. Un truc comme ça, enfin bref, un truc qui m'intéresse vachement. Si, il y a des trucs de musique baroque qui sont vachement bien, mais okay. Là, je ne connaissais pas. Jean Mignon, n'est-ce pas ? Et là, bah, c'est un ricain qui a décidé de prendre ça comme nom de scène, va savoir. Son vrai nom, c'est Johnny Steins. Et puis, il fait un truc genre garage punk. Franchement, c'est tellement bon que au début, je me disais, c'est un Australien. Pas du tout, il est de Boston. Mais il a décidé de trahir et de partir à New York City. Donc, bah, c'est tout, voilà. Maintenant c'est un New Yorkais. Je crois que j'ai déjà passé un titre de lui il y a 2-3 ans. Il a encore sorti des trucs là, et puis bah, le voilà avec un petit truc où on va pouvoir dire qu'on fait partie de la même bande, vu que nous non plus on n'est pas content, il n'est pas content. Me No Happy par Jean Mignon. Ouais, on cause. Et puis, il y a déjà eu presque une demi-heure de passé. 20h27 à l'antenne de campus, 106,6. C'est Pyongyang City Rockers 350. Et comment allez-vous, chère Célia? Bah, moi, ça va. Ça va, bon. Toujours. Et tu veux passer un truc alors? Un truc pas connu du tout? Non, pas connu du tout. Je vais passer un petit Turnstile, ça fait longtemps. J'aime bien le réécouter de temps en temps, cet album. Turnstile, c'est un groupe de punk hardcore américain qu'on a déjà passé plusieurs fois, mais ouais. C'est toujours cool. C'est à écouter. Mais ouais. Leur dernier album en date de sortie, il s'appelle Glow On. La pochette, elle est belle. C'est un ciel rose avec des petits nuages blancs. Chouchou, je l'ai devant les yeux, c'est magnifique. C'est ça. Il date de 2021. Moi, j'aime bien cet album. Quand tu l'écoutes, je trouve qu'il n'y a rien acheté. Autant il y a des moments calmes, il y a des moments plus hardcore, mais tout fonctionne ensemble. Et j'ai un peu hâte d'écouter la suite, même si le groupe est devenu quand même vachement mainstream ces derniers temps. Ouais, bah c'est ça. Hein. Mais bon, on verra. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de produire. C'est ça. Bah, ils font des tournées. Génial. Et puis. Ils ont annulé au Main Square l'année dernière. Là, je les soutiens, je veux dire, pas le Main Square, Turnstile. Le Main Square. Oui, mais bon, parce que parce qu'il y avait pas assez d'argent. Ah, c'est donc je ne les soutiens pas. Ouais, tu vois, c'est fin. Bon. Et donc toi, t'avais pris des places pour aller les voir. Non, ben on avait peut-être des invites, mais vu qu'ils sont pas venus, ben on n'y est pas allé. Ben, c'est ça. Donc voilà, je vais passer le morceau Blackout de Turnstile. Ah ouais, ouais, mainstream, les gars. Et bien, puisque nous sommes dans le mainstream, dans Pyongyang City Rockers, je passe au mainstream lillois, puisque je vais vous passer un extrait du nouvel EP de Traquenard qui va sortir le 6 septembre. Les Traquenard, c'est les chefs du metal punk lillois, quand même, hein, ouais. Moi, je tiens à le dire. Hein. Leurs prochaines apparitions dans le coin, ça sera le 19 septembre à la Bulle Café. Et puis, sinon, ils seront aussi le 4 octobre au We Are Not Worthy numéro 5. T'es cool. Connu, hein, entre ouais. Donna et Valenciennes. Ouais, Michel Marcoing. Voilà donc un titre avec, en plus, noté Théo Goumot en featuring, comme on dit, de nos jours. Ça, ce titre s'appelle L'île fragile. L'île fragile, me dit-on, ça parle de notre belle ville d'adoption. On vient tous les trois, c'est Traquenard qui parle, hein. On vient tous les trois du Cambrésis, mais on vit à Lille depuis quelque temps. On voulait parler du vrai Lille, pas celui de Martine Aubry et de Lamel. Du coup, on parle de Moulins, de Oisem, de la beauté ordinaire de ces coins sales dont personne ne fait de carte postale. Et des gueules cassées qu'on y croise. Voici donc L'île fragile par Traquenard sur Campus 116,6 dans Pyongyang City Rockers. Traquenard. Mais quel était ce son bizarre? Bah c'est, là, c'était des Australiens, mais pas du tout du garage, quoique, bon, c'était mes Australiens lo-fi préférés, Electric Prawns 2, qui ont sorti un album samedi dernier, qui est dispo sur leur Bandcamp. Parce que sur Bandcamp on retrouve tout, sauf Turnstile, peut-être, je sais pas. Puis en plus, c'est d'actualité, vu que ça parlait de cuir au soleil, Baking in the Sun par Electric Prawns 2. Et vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 350, ma chère Célia, comment allez-vous? Sur Radio Campus Lille. Truc, hein. Ouais, sur Campus Lille, ouais, 106,6. Et ben. Allez, vas-y. Bon, quoi, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que je vais passer? Allez, voici un petit titre de Astroïd, vu qu'il faut quand même passer des locaux. Hein. J'ai déjà passé Traquenard tout à l'heure, là. Maintenant, voilà un petit coup de punk rock Lomoy sur leur deuxième album qui est paru en numérique ce mois de juillet, me semble-t-il. Et le test press est arrivé la semaine dernière. Ah, et donc puis ça devrait pas trop tarder en bientôt, physique. Un jour, peut-être. Voilà. Ici, donc, voici Calmez-vous avec en featuring, encore un featuring. À l'harmonica, c'est Spi, schmeck de OTH, tu sais. Ah voilà. Calmez-vous, ça me semble causer une certaine tension entre l'envie de vivre comme on veut, loin des emmerdes, et celle d'en découdre avec les chacals et autres nervis fascistes qui se rapprochent de plus en plus. Voici donc Astroïd avec Calmez-vous. Ça pue rudement ici. Oui, une infection. Ah non, pire que ça, ça sent les œufs pourris, c'est effroyable. Je vous assure que l'air devient irrespirable. Harmonica, c'est pas si courant. Hein. Non, c'est vrai. Même dans Pyongyang City Rockers. Bon, ça voilà. Ça ferait peut-être à Pierre à feu. Ouais. Bonjour Pierre, tu vas bien? Moi, je vais passer un petit morceau du groupe qui s'appelle Paratonnerre. C'est un groupe assez récent, c'est un trio post-électrique de Paris. J'ai pas grand-chose à dire dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos qui circulent. Mais ils ont sorti une première démo cassette qui est sortie par le label lillois Dirty Slap Records. Ouais, voilà, le meilleur. C'est ça. Et d'ailleurs, quand il était venu à l'émission ici, il avait déjà passé un morceau de cette démo. Je suis vraiment confus, je n'ai aucun souvenir, mais alors... Moi non plus, j'avais l'impression de découvrir un groupe et finalement... Ouais. Bah, comme quoi on n'avait pas écouté. C'est ça. Désolé, on ne peut pas tout retenir. Faut qu'il revienne, Cyril, tu sais. Donc j'ai passé le morceau Run on My Parade de Paratonnerre. Paratonnerre. tête. Bim, malade, c'était ma petite dédicace à mon Gaël et à ma Val. Ils vont revenir la semaine prochaine, j'espère bien. Non, mais ça va. En ça plus, va. C'est plus le bordel pour revenir. Ça va un petit peu. Ça y est. Le jacuzzi et tout le bras, là. Bon, bref. Donc, malade, le titre, c'était No One's Kind pour dire qu'ils sont pas de ta classe, tu vois. Ils sont des gens à part et ils se mélangent pas avec les abrutis dans ton genre. T'as compris? Bon, voilà. Ils sont entre no one's kind, ça veut dire pas de, dans la, de, le genre de personne. Exactement. Maintenant, petit tour en Italie avec, avec quoi? Ça y est, où est-ce que je l'ai foutu? Un truc qui vient de sortir sur un label français, entre autres, Despire Records. Encore un label basque, mais pas basque comme à l'habitude de Pascal Gaël, justement. Ce groupe, donc, qui vient de sortir sur Despire Records, c'est Sproloquio, ce qui signifie en verbiage, si j'en crois le site Reverso, ou alors coup de gueule, si j'en crois Google. Donc, va savoir. Bon, bref, en tout cas, c'est un groupe qui faisait profil bas au départ, qui a commencé comme un projet solo, et puis qui ensuite a pris des musiciens et ses aises. C'est marrant, ça me rappelle un truc qu'on a passé il y a quelques minutes, là. Sproloquio, ça cause beaucoup, jusque dans les titres à rallonge. Leur premier album, c'est Canzone di basso profilo per chi non ha voglia di ascoltare. Ça veut dire chanson à profil bas pour qui n'a pas envie d'écouter. Et le deuxième qui nous occupe ici ce soir, c'est Canzoni oneste, quasi fossero una missione di colpa. Ce qui signifie chanson honnête, des chansons honnêtes, comme si c'était une l'admission d'une culpabilité. Bref. Et puis tous les titres sont à l'avenant, c'est des phrases à rallonge, c'est incroyable. C'est sorti fin juillet, donc chez Longrail, Chauve et The Fucking Clinica en Italie, chez My Ruin en Allemagne, et donc chez Persorail et Dispire en France. Voici affermare onestamente di essere onesti e ancora onesto, ce qui signifie affirmer honnêtement d'être honnête, c'est encore être honnête. Voici Sproloquio sur Campus 106,6, émission Pyongyang City Rockers numéro 350. Sproloquio. We'll be right back. encore une production Dirty Slap, dis donc. C'était Chien Flic avec deux titres Sale Jeune, suivi de Fuck Your Phone. Bah dis donc, il reste 4 minutes là, donc on a juste le temps de passer un ou deux titres. Ça va être rapidos, puisque c'est ainsi. Voici Yaota Yums, un groupe qui vient de Sibérie, mais dont le nom est en letton, comme quoi hein, c'est un grand pays, l'URSS. Ah oui, non, ça n'existe plus. ça existe de moins en moins d'ailleurs. C'est du Scrimo, ils viennent de Irkoutsk, donc au fin fond de la Sibérie. Là. Ça date de 2021, mais je ne m'en aperçois que maintenant que ça existe. Le titre, c'est Anxiety. C'est la fin, ça y est. C'est la fin sur un extrait du dernier Poison Ruin qui vont donc jouer mardi prochain, je sais plus où, à Gand. Et puis le titre, c'est Laid Waste. Je repasserai celui-là ou un autre. Poison Ruin, c'est bien. Et donc on le passe et on parle dessus. C'est la fin de Pyongyang City Rockers numéro 350 qui vous était présenté par Célia et Stephen. On se retrouve la semaine prochaine pour le 351e épisode de Pyongyang City Rockers et lundi prochain à partir de 21h pour le live de Matraque Attack et Chlore sur campus en 6,6 et tout le bordel et tout le machin à partir de 21h et jusqu'à minuit. Youpi. Et on n'oublie pas. À câble.